que par ici, de ce côté-là, dans ce vaste tiche, tout le rang avec moi. Par ici, de ce côté-là, dans ce vaste tiche, par ici, de ce côté-là, dans ce vaste tiche, tout le rang avec moi. Mon ami, c'est par les bras, oui que tu m'emmènes, oui que tu m'emmènes. Mon ami, c'est par les bras, oui que tu m'emmènes, tournoyons à grands pas. Mon ami, c'est par les bras, oui que tu m'emmènes, oui que tu m'emmènes. Mon ami, c'est par les bras.